Toujours à l'occasion de l'anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, les cadres responsables du Parti du Travail de Corée et de l'État, notamment Kim Yong-nam, Park Bong-joo et Cha Ryong-hae, un président de parti ami, et les cadres du cabinet ministériel, des ministères et des établissements centraux, et les permanents des organisations des travailleurs ont visité le 26 le haut lieu de la révolution de Chun-sung. Ils ont déposé des gerbes de fleurs avant de s'incliner devant le tableau en mosaïque figurant le président Kim Il-sung. C'est le lieu historique où a résidé Kim Il-sung à l'époque de la guerre de libération de la patrie, en conduisant les militaires et civils coréens à la victoire dans la guerre. Kim Il-sung y a conçu encore le grand dessin de la reconstruction de l'après-guerre.